Ça, là, à un moment donné, il y a une sortie du chamanisme, on entre dans l'intellect tranquillement. Fait que là, il y a des religions organisées. Fait que là, la Bible, c'est plus assez. Ça prend des théologies. Fait que là, les théologiens, eux autres, ils se chicanent, c'est au niveau de la pensée. Fait que là, c'est des écoles. Les premières, là, après ça, mais ça vient de la philosophie, de l'entrée dans l'intellect pareil. La théologie, c'est un peu là où du monde qui s'intéresse, qui sont philosophes, au fond, vont essayer de justifier leur position, ce qui était dans le temps leur position de croyant, par l'argument. Mais tout ça, ça a engendré le système, puis toutes même les sectes philosophiques de l'Antiquité. C'est normal qu'on s'astine là-dessus à l'école, ça vient de là. Mais c'est des lois d'âme collective. C'est le fait que l'être humain est un animal social, donc il existe des phénomènes d'âme collective. On baigne, qu'on le veuille pas, dans du vibratoire, qui est justement aussi lié à du télépathique. Puis, fait que là, c'est normal que le monde s'astine, créationnisme ou dessin intelligent, comme dans l'Antiquité, il y avait des écoles philosophiques qui niaient l'existence des dieux, puis ils s'astinaient avec. C'était l'art oratoire. Puis c'est ça qui a fait que l'être humain est entré dans un début de ce qui allait être le potentiel pour la parole. Mais ça, la parole, c'est resté surtout les mystères de la parole. Je veux dire, dans le sens que les côtés les plus subtils de ce qu'on va appeler la parole par après, c'est plus les mystiques un petit peu spirituels, eux autres qui ont gardé la pratique de certains aspects de la parole au sens comme dans l'Apocalypse, là, que le Christ y revient puis il y a une épée dans la bouche. Cette parole-là. Tu sais quoi Excalibur dans le fond? C'est quoi C'est un peu comme on disait dans le temps, quand tu entrais dans la tombe d'un sage, il n'y avait pas de corps, tu trouvais une épée. Dans le sens que le système nerveux, la moelle épinière. Là, ça va plus loin que juste l'âme, le planétaire. T'sais, ça va à l'extraplanétaire, le cosmique. Le système nerveux, c'est déjà quelque chose qui est une technologie qui a été faite par une science qui va au-delà de ce qu'on conçoit comme science. Puis Mais ça a été c'est comme c'est développé encore. par qui le ou quoi le système nerveux? Ben, ça, il est là ton dessin intelligent.